Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. كما نبدأ avant de commencer, تنبيهان. Deux points à mettre en attention. الأول ما يتعلق بالعلة. Qu'on n'est pas العلة. À un moment, je te rappelle, je me rappelais plus si on disait العلاني, si on mettait le nounou ou pas. Inch'Allah, on peut mettre le nun. J'ai regardé dans Al-Mourni de Nujem, et dedans il dit que genre, le plus souvent c'est que la'alla il vient pas avec le nun, mais apparemment que cela est permis. Donc on peut dire la'allani, mais c'est très peu employé. Deuxième truc, en réécoutant les audios, pour voir s'il n'y a pas une erreur qui est traînée ou quelque chose comme ça, c'était dans l'exercice 11 de la page 10, avec Ra'alin. En fait, quand je t'avais interrogé, tu t'étais trompé et moi, je sais pas, j'étais où, j'ai même pas remarqué en fait. Quand on disait par exemple, Azal Kitabu, Rahisun, Wazaka, Rolin. Et toi, tu avais dit Rolion. Et je t'avais dit Naam. Mais ça, c'était Khata. Il faut dire Rolin. Il n'y a pas Rolion. Et ça, même ce nom-là, qui prend Aya, il prend pas de Dhamma en plus. Donc ça, il faut faire attention. Donc c'était la phrase 2 et la phrase 3. Naam. On veut dire Rolin, ça veut dire Rolion. Donc ça, pareil, c'était pas correct. En fait, c'est Rolin. Hazal kitab ou rakhis, wa zaka Rolin. Hazal murjamu, bimiyati riyal, wa Rolin. Vous voyez ? Naam. Falilion, kulna. الأسئلة عن الدرس الثاني. الحمد لله. عليكم الصلاح وبارك. لحظة. أجيب عن الأسئلة الآتية من أين هشام دوي هشام إنه من ولاية المتحدة المتحدة نعم إلي دي الدبني من أي مدينة هو دو كيل فيل إتيل إنه من نيويورك نعم إلي دو نيويورك كم أخت له Combien a-t-il de sœurs ? Inna lahu thalatha akhawatin. Thalathu. Thalathu. Inna lahu nam. Inna lahu thalatha akhawatin. Bin Nasr. Ahsant. طيب. ثانياً. دور عدي العلامات أمام الجمل الصحيحة وعدي العلامات أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc. Les phrases sont correctes. Un trait et celles qui sont fausses, une croix. Hishamun min Washingtona. Salib. نعم. ومن نيويورك أخواته مسلمات سيسيرفون دي مسلمات نعم صحيح بناته لسنا بمتزوجات صحيح نعم سيفي ne sont pas mariés أبناؤه طلاب سيفي sont des étudiants صليب نعم أمه ليست بمسلمات sa mère n'est pas musulmane صحيح نعم أبوه مسلم son père est مسلم صحيح نعم كنا أيضا إيش اليوم كانوا جد تمارينات أخرى الثامن. نعم. طيب. طيب. اقرأ المثال ثم أدخل إن على الجملة الآتية. Donc lis les exemples ثم ensuite insère إن dans les phrases suivantes. في الفصل خمسة طلاب جدد. Dans la classe, il y a cinq nouveaux étudiants. إن في الفصل خمسة طلاب جدد. نعم. بنصب خمسة. لماذا؟ لأن خمسة هو اسم إن. نعم. هو اسم إن. مؤخر. وفي الفصل خبر إن مقدم. لنا مدرس جيد. هنا un enseignant très bon. Un bon enseignant. إن لنا مدرسا جيدا. نعم. أحسنت. ما يعرف جيدا؟ نعت. نعت المدرس. نعم. في جيبي 100 ريال. Dans ma poche, il y a 100 ريال. إن في جيبي 100 ريال. نعم. في الهندي أنهار كثيرة. En Inde, il y a beaucoup de fleuves. إن في الهندي أنهار كثيرة. لك برقية في المكتب البريد. Tu as un télégramme à la poste. إن لك برقية في برقية برقية تن تن برقية في مكتب البريد. نعم. لي ألف دولار في المصرف. جي ميل دولار يعني أشانج. إن لي ألف دولار في المصرف. نعم. طيب وجد هذا فقط؟ نعم. يبغى تشوف؟ نعم. طيب. والآن سنواصل في الدرس الثالث. طيب. أنت أحمد وأنا علي إن شاء الله. تفضل. كم طلابا لا كم طالبا في فصلكم يا علي؟ في فصلنا 14 طالبا. دونك عفوا هو تخيل en même temps. Donc combien as-tu d'étudiants dans votre classe? Oh Ali, dans notre classe il y a 14 étudiants. في فصل الطلاب في فصلنا اكثر فيه تسعة عشر طالبا يا علي. ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ Donc tu dis que les étudiants de notre classe sont plus nombreux, sont plus. Nous avons 19 étudiants au Ali. Quel est le nom du nouvel étudiant qui est venu ou qui est arrivé hier? Ali Yakoul. اسمه أسامة. يسأل أسامة. هو طويل جدا. أليس كذلك؟ Donc il dit, Ahmed dit, هو طويل جدا. C'est-à-dire, il est très grand, n'est-ce pas? Et là, من المفروض أن يقول على مبارك ما شاء الله. حتى لو في باب العين. Quand tu vois des choses qui te surprend, comme a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, faut dire ما شاء الله تبارك الله ou Romabarik, enfin un doua. Est-ce que tu peux l'atteindre du Aïn? Donc, en avance, toi, tu vois quelqu'un de grand, tu dis Wattawil, Jiddan, Mashallah, Romabarik. Naam. Ali Yakoul. Bala, Wattawil, Jiddan, Walakin Hamidan, Atwal, Minhu, Innaw Atwal, Talibin, Fifaslina. Waman Atwal, Talibin, Fifaslikum. Donc, il dit Bala. Bala, ça veut dire si, en effet. Wattawil, Jiddan, il est très grand. ولكن حامدا أطول منه. Cependant, Hamid est plus grand que lui. إنه أطول طالب في فصلنا. Il est le plus grand étudiant dans notre classe. ومن أطول طالب في فصلكم. Et qui est le plus grand étudiant dans votre classe? أطول طالب في فصلنا إبراهيم. Donc le plus grand étudiant dans notre classe c'est Ibrahim. أضفت لك هذا يا أحمد. إن خطك جميل جدا. ما شاء الله. Donc il dit, est-ce que c'est ton cahier qui est là ou Ahmed? Certes, ton écriture est très belle. Masha'Allah. Et là, il dit Masha'Allah pour une écriture, mais il ne dit pas. Non. Il dit pas pour son frère. Inch'Allah. Shukran, ya Ali. Khati. Khati. خطي جميل وخطك أجمل. كما دي شكرا يا علي. Je te remercie, oh Ali. خطي جميل, mon écriture est belle. وخطك أجمل, ton écriture est plus encore, est plus belle. علي يقول من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك. Il dit quel est ce jeune garçon qui est avec toi, oh Ahmed. C'est comme s'il était ton frère. نعم هو أخي الشفيق. لا. قف. الشقيق. نعم. Dit oui, c'est mon frère de sang. Shakik, c'est le frère de sang, du père et de la mère. أكبر منك هو أم أصغر. Est-il plus grand que toi ou plus petit? هو أصغر مني. Il est plus petit que moi. في أي مرجع أنت يا أخي. Dans quel dortoir es-tu, ô أخي? أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة. Dit je suis dans le dortoir, dans le cinquième dortoir, il est très loin de l'école. علي يقول أنا في المرجع الثامن وهو أبعد من مرجعكم. Il dit moi je suis dans le huitième dortoir, il est encore plus loin que le vôtre ou que votre dortoir à vous. أيهما أحسن. Que dit lequel des deux est le meilleur. علي يقول المرجع الخامس أحسن فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف والسرور التي فيه أجمل. علي dit que le dortoir 5 est meilleur car ses chambres sont plus larges, plus grandes, que ses fenêtres sont plus grandes, que ses toilettes sont plus propres et que les lits qui y sont, ils sont plus beaux. طيب. كلمات جديدة التي أخذنا في هذا الدرس يوجد 14. طيب 14 سي 14. يوجد أكثر سا يعني سا لو سوجي دو درس إن شاء الله سي اسم تفضيل. كو إكسبيكي سا فا إت كومبري إن شاء الله. Khot, c'est l'écriture. Voyez, la khot, ça peut être une ligne, plein de choses. Et là, le maksoud dans ce ders, c'est l'écriture. Bien qu'on peut l'employer pour d'autres choses. Ça peut être une route, ça peut être une ligne. Même la ligne aérienne, tu dis le khutut al-jawaiya. C'est-à-dire, c'est pour dire la ligne aérienne. On a vu Ahi et Shakik. Shakik, c'est frère de sang. Voyez, al-Akh, al-Shakik, c'est le frère de sang. Mahja, ça c'est un dortoir. Ou le Seken, le lieu où se regroupent les étudiants en dehors de leur douce. Là où ils dorment, là où ils se reposent. Nam. Wa marahid, c'est le jam 2. Mirhad, c'est les toilettes. Wasurur, on avait pris, c'est le jam de Sarir, les lits. Ça peut être aussi un divan, ça peut être ce genre de choses. Chose sur laquelle on se repose, on s'allonge. Tamam. Anfad aussi. Hein? Andof. Andof, ça va venir. C'est Istof Dil. Ça va venir, c'est Ders. Comme je l'ai dit, comme pour Akthar. Tout ça là, Akthar, Atwal, tout ça, ça va venir, Inch'Allah. C'est Ders. Tayyib. Tamarin. Al-Awwal, Ajib al-Asilati al-Atiya. Wa Thani Kazalik fil Bayt. C'est répondre aux questions suivantes. Sont relatives au texte. Et le deuxième, c'est pareil, mettre un trait devant les phrases correctes et une croix devant les phrases qui sont fausses. Tayyib. Fada ders, kama kutulak, ce ders, il se rapporte au ism tofdil. C'est un nom qu'on emploie en vue de préférence, à la base. Tayyib, il peut être employé pour d'autres choses, mais la base, c'est que on l'emploie pour un superlatif. Mettre une chose supérieure à une autre. Par exemple, Jamil. Ça y est, Jamil. Jamil. Ça y est. Jamil, Marlouf, ça veut dire beau. Ça y est, ça veut dire beau. Maintenant,

Al-Qahira akbar min Riyad. Non, qui est plus grand que Riyad? Hazal funduku nazif zak. Hazal funduku andaf min zak. Cet hôtel est plus grand que celui-ci. Al-Lughatul Arabiya sahl lughat al-Fransiya. Al-Lughatul Arabiya ashal min al-Lughatul min al-Lughatil Fransiya. Non, la langue arabe est plus facile que la langue française. Et plus belle aussi. Et plus profitable. Ana kabir huwa. Ana akbar minhu. Non, je suis plus grand que lui. Huwa saghiru anta. Huwa asghar mink. Non, il est plus petit que toi. الرجال كثير النساء. الرجال أكثر من النساء. لكن القول ما هو صحيح. هذا القول يعني تو لا فراز الكوال كمي في الحقيقة ما هو صحيح. اللي فهم سبحان الله كلهم. سبحان الله كلهم. أنا ما أعرف. حتى أكثر أهل النار من هم؟ النساء. نعم. لكن على خلاف ذلك من أكثر أهل الجنة؟ النساء. كذلك. Beaucoup de gens disent ouais, c'est les femmes les plus nombreuses au feu, ouais, mais au paradis aussi. Parce que chaque homme aura deux filles de Bani Adam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elles sont plus nombreuses que nous aussi. Donc c'est pareil. Non. Tayyib, Anta Ahsanu Anna. Anta Ahsan Minni. Ahsanu Minni. Là, non. Non, tu es meilleur que moi. El Mouzou Rokhisun El Ainan. الموزو أرخص من العنب. La banane est moins chère que le raisin. الشمس بعيد القمر. الشمس أبعد من القمر. Le soleil est plus éloigné que la lune. مفهوم هذا؟ نعم. هذا سهل هذا مهم جدا. خامسا اقرأ الأمثلة ثم حول الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم تفضيل. Donc il dit de lire les exemples suivants et ensuite de transformer les phrases qui sont exposées sur le même exemple que ce que tu veux qu'on va lire maintenant. Yakul Mohammedun Talibun Hassanun. Donc Mohammed est un bon étudiant. Tu dis après Mohammedun Ahsanu Talibin fil fasl. Donc là c'est Mohammed est le meilleur étudiant de la classe. Quand tu mets le ism tafdil en mudaf et ensuite, tu mets un mot d'offelé derrière lui. Vous voyez, par exemple, comme là, ils disent Arsène Otto Alibin, c'est-à-dire c'est le meilleur étudiant. Kafikuli Ta'ala, vous voyez, Alayhi Allahu bi Arkamil Hakimin. Vous voyez, n'est-ce pas Allah le meilleur des juges? Ou Tabarakallahu Arsène Al-Khwadiqin. Vous voyez, et Allah est le meilleur des créateurs. Donc le nom qui vient mot d'offelé après à Ism Tafdil, il se rapporte à lui. Il est de sa catégorie, quoi. مثلا إذن هذا بيت جميل. طيب c'est une belle maison. هذا أجمل بيت في الشارع. Donc ça c'est la plus belle maison de la rue. آمنة طالبة صغيرة. آمنة est une petite étudiante. آمنة أصغر طالبة في المدرسة. آمنة est la plus jeune ou plus petite étudiante dans l'école. طيب فالآن تفعل نفس الشيء مع الجمل الآتية. وهذا سيكون في البيت ان شاء الله فهمت القصد انت كومبري طيب نو فاهم ميزون هذه سون بل اكزامبل pour être sûr que c'est bien assimilé. طيب سادسا maintenant ça va être quoi يتعرض ب لكن لكن c'est parmi les sœurs de Inna et de La'alla. C'est le même travail. On avait dit quoi? Qu'elle rentre dans les jumla ismiya et qu'elle change le mutada en ism et le khabar en son khabar à elle. Mathalan, si on dit Muhammadun qa'imun, si on rentre Inna, on va dire Inna Muhammadan qa'imun. Si on rentre La'alla, on va dire La'alla Muhammadan qa'imun. Mais maintenant, la qa'imun. C'est Muhammad qui est l'ism qui m'en fout. C'est avec l'Issa que ça devient c'est le khabar qui est en dessous. Donc là, la kinna, ça fait le même travail. Elle va rentrer dans une jumla, ismiya, ça y est, et le mutada va devenir son ism à elle, et son khabar, khabar à elle. Ça veut dire quoi la kinna là? La kinna s'appelle harf Istidrak. Harf nasb. طيب. لكن سي حرف نصب و استدراج. ما معنى هذا؟ لكن سي حرف سي با اسم سي با فعل. نصب باسكو لو نون كي يمني ابخيل منصوب كم ان كم لعل. استدراج سي دير كوا كيل اي لا بوركوا بور تمبيشي دو بونسي اون شوز كي بوغيت ريست تون اسبري. مثلا تو دي محمد كبير كبير مثلا طيب كبير دونك محمد اي غران كيس كون سي كو كاكين لي غران جينيرال كي لي فور كون سي كاكين لي غران طيب كيس كي فيان بروميير لسبري كي لي فور طيب اون جينيرال باسكو سي با اون ريغل تو فون سي كي سي با تو غران كي فور. Donc, la kinna, il vient pour quoi? Justement pour te, t'empêcher de penser ce qui n'est pas correct par rapport à la réalité. Tu veux dire, par exemple, Mohamed Kabirun, la kinna ou Daif. Cependant, il est faible. Parce que tu veux t'imaginer qu'il est fort. Donc, la kinna viendra pour quoi? Pour contredire ce que tu pourrais t'imaginer. Ou affirmer une chose, ou avec une négation sur une chose. Par exemple, tu veux dire Mohamedun Sahir, donc tu veux t'imaginer qu'il est faible. La kinna ou Kawi, tu vois. Ou Mohamedun Salih, donc tu veux dire qu'il est alim, la kinna ou Jahil. Tu vois? Mais en fait, c'est ça. Tu vas dire la kinnahu da'if. Enfin, il n'y a plus de place. Donc, ça, c'est de l'oc. Pour t'empêcher de quoi? De t'imaginer une chose qui va traverser l'esprit, qui sera déduite de ce que tu auras lu avant. La kinna, elle vient avec une phrase qui l'a précédée. Obligé une phrase devant. Tu ne peux pas dire, la kinna ou da'if. La kinna ou da'if, esh. C'est passé quoi avant? Pourquoi tu me dis il est faible? Il y a besoin d'une précision avant, tu vois. Donc, la kinna, elle vient avec une phrase qui affirme une chose ou qui en nie une autre, et lui vient pourquoi? Pour contredire ou pour t'éclaircir ce que tu pourrais t'imaginer qui n'est pas correct. Pas mal? Et là, on a mis Kadomir, la kinnahu, mais c'est pas bien qu'un isme dhoir. La kinna Muhammadan da'ifun. Ça fait le même travail que inna. Voyez? Là, le hu, Damir, c'est son isme. Et da'if, c'est quoi? Son khabar. Là, c'est quoi? Muhammadun kabir, huwa da'if, مثلا. لن تقول محمد كبير لكنه ضعيف. طيب وكيف لكن طيب يقول اقرا المثالين لدي ديزامبل ثم اربط بين كل جملتين فيما يلي مستعملا لكن واعلم ان لكن من اخوات ان. دونك يدي لي ديزامبل اي ensuite tu dois lier entre les deux phrases. طيب en utilisant la kinna, tout en sachant que la kinna parmi les sœurs de inna. Donc elles font le même travail. Mathalan, exemple, At-tullabu kasirun. Ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, Al-faslu saghirun. Donc tu vas dire, les tullabs sont nombreux et la classe est petite. Donc comment ça va devenir avec la kinna? At-tullabu kasirun, lakin al-fasla saghirun. Donc les tullabs sont nombreux, cependant là, classe est petite. Pourquoi? Si on te dit sont nombreux, tu vas t'imaginer que la classe elle est grande pour pouvoir tous les contenir. Ben en fait non, elle est petite. Deuxième exemple, il dit Hamidun Mujtahidun, donc Mohamed est studieux, Sadiquhu Kaslan. Et son ami est un fainéant. Car en général, studieux marche avec studieux. Tu vois? Hamidun Mujtahidun, lakinna Sadiquhu Kaslan. Donc Hamid est studieux, cependant, son ami, Tayyip, est un fainéant. Tayyip. Al-an, nakhouz fil al-jumal lati fil tamarin. Awalan, Muhammadun tawilun, Hamidun kasirun. Mohamed est grand et Hamid est petit. Kif takoul? Muhammadun tawilun, lakin Hamidan kasirun. Naam, Mohamed est grand, cependant, Hamid est petit. Aminatu mushtahidatun, ukhtuha kasla. Amina est studieuse, sa sœur est fainéante. Aminatu mujtahida, lakin ukhtuha. La. Lakin akhtaha. La. Lakin. Remplace. T'as mis les deux malo, il faut pas, et la fatala, il faut pas. Lakin. اختها لا ام صوب اختها نعم امينه مجتهده لكن اختها كسلا كسلا كسلا سي لو مونيف دو كسلان دايور سا تروك اوسي تنبيه فو فير مثلا دون لي مو كوم جوعان كسلان تعبان غضبان غير ذلك aujourd'hui les gens vont dire quoi ils vont te mettre un terme arbouton à la fin par exemple dire tarben tarbana ils vont dire rodben rodbana ça c'est pas correct voyez il y a des mots comme celui-là tu vas dire par exemple tarben tu dis mohammed tarbanu amnatu tarba voyez c'est pas tarbana très bien et pareil pour le djam le feuillet pareil ces mots là c'est pas des mots qui en général prennent un djam muzakkar salim tu vas pas dire salen Al-Tulabu Tarbanoun. Non, là, le jam, il a une autre forme pour ces mots-là. Certains peuvent prendre le Temar Bouton, certains. Vous voyez, il y en a certains qui prennent le Temar Bouton. Mais aujourd'hui, les gens, ils les mettent partout. Tu vois. Amina Tarbana, directement. Radbana, Johana. Tu vois, là. Donc, ne pas se précipiter à répéter tout ce qu'on entend. Surtout en ces jours-ci. Ça y est. On l'a pris, ça y est, tu l'as fait. Non, ثالثا هذا الدرس طويل هو سهل ce cours est long il est facile كيف تقول هذا الدرس طويل لكنه سهل سهل نعم donc ce cours est long cependant il est facile quand on se dit un cours est long on peut s'imaginer que quoi qu'il est difficile chose qui n'est pas le cas سيارتي قديمة هي قوية ma voiture est ancienne Et elle est puissante, forte, costaud. Seyyarati qadimatun lakinaha qawiyya. Non, ma voiture est ancienne, cependant, elle tient la route, allez, on va dire comme ça. Akhi mutazawwijun. Ana azabun. Mon frère est marié, je suis célibataire. Akhi mutazawwijun lakinani azabun. Azabun. J'ai entendu Azab. Non, j'ai dit Azab. Ah, j'ai compris. Attends, après. Sadis. Ibrahim Fakirun Ammuhu Ranyun Jiddan. Ibrahim est pauvre et son oncle paternel est très riche. Ibrahim Fakirun Lakinna Ammuhu Ammaha عمه نعم عمه غني جدا نعم ابراهيم pauvre cependant son oncle paternel est très riche بيتك جميل جدا وصغير ta maison est très belle elle est petite بيتك جميل جدا لكنه صغير نعم donc ta maison est très belle cependant elle est petite ma femme يعني لكن Tambi, faire attention avec lakin. Parce qu'il y en a deux. Il y a lakinna, avec une chedda sur le noun, et il y a lakin. Ça, c'est harf atf. C'est un autre truc. Par exemple, tu dis par exemple, ma darabtu Muhammadan lakin Zaydan. Je n'ai pas frappé Muhammad, mais Zayd. Ça c'est un autre lakin, avec un med, lakin. Ça c'est dans le huruf al-atf, ça viendra après. Donc fais attention, il y en a deux. Il y en a un, t'as une phrase ismiya qui vient derrière, c'est celui-là. Et l'autre, ça dépend ce qu'il y a devant lui. Donc ça, c'est inch'Allah, quand on fera l'atf, tu verras inch'Allah la différence. Mais les deux ne sont pas les mêmes. Ça bien, on reste toujours dans Inna et ses sœurs. Maintenant, on va prendre quoi ? Une nouvelle sœur à Inna, c'est Ka'anna. Vous voyez ? كأن هكذا كأن et ça c'est كأن عفوا الخط حرف نصب طيب وتشبيه تشبيه c'est des ressemblances ça c'est un حرف طيب c'est pas un isme c'est pas un fi'l Non, parce que le isme qui vient derrière est mansoub. Elle fait le même travail que inna la kinna, c'est la même chose. Le isme il est mansoub et le khabar il est marfou. Et c'est, elle vient pour faire quoi ? Également, une comparaison. ou une ressemblance avec une chose. Par exemple, cool. Ka'anna Zaydan Asadun. C'est comme si Zayd était un lion. Je compare Zayd à un lion. Vous voyez, c'est, en fait, ça se traduit par c'est comme si. Souvent. Ou je te dirais par exemple, subhanallah, Ka'annani Alifouk. C'est comme si je te connaissais. Vous voyez. Donc en fait, c'est ça quoi. Et c'est parmi les sœurs de Inna qui font que son ism il est mansoub et son khabar il est marfou. Donc maintenant il dit Ikral misalain thumma atril ka anna al-jumal atiya ilman bi anna anna ou bi anna ka anna afwan min akhawat inna. Donc on insère ka anna dans les phrases suivantes, à savoir que ka anna est parmi les sœurs de Inna. Mathalan man hadha al-fata ka'annahu akhuk. Qui est ce jeune garçon? C'est comme s'il était ton frère, parce qu'il te ressemble en fait. Man hadi at-tifla ka'annaha ukhtuk. Qui est cette petite? C'est comme s'il était ta sœur. Pas mal. On prend la même phrase en fait, on fait juste ka'annahu zamiluk. Là, en fait, c'est toi là où on fait ce qu'il y a devant. Non, en fait, toi, tu... Tu rentres Ka'anna dans la... Par exemple, il was a miluk, comment tu vas dire? Ka'anna. Ah, ouais, non. Ka'anna hi... Donc, il was a miluk, son camarade. Tu vas dire, Afwan, on commence. Ka'anna hu zamiluk. Non. Hiya tabibatun. C'est une docteur. كأنه طبيبة كأنها نعم كأنها طبيبة هم طلاب ils sont des étudiants كأنهم طلاب نعم أنت مريض كأنك مريض نعم tu es malade ومدرس جديد c'est un nouvel enseignant كأنه مدرسان لا كأنه مدرس جديد نعم أنت ou أنتي أخت مريم. Tu es la sœur de Mariam. Ka'annaki ukhtu Mariam. Naam. Et là, il a fait que des exemples avec des damaïr. Mais quand il se dit, Ka'anna Muhammadan, tayyib kaza wa kaza. Ka'anna Zaydan, kaza wa kaza. Tayyib. Thaminan. Maintenant, retourne dans quoi? Dans Arkam al-Adad, dans les règles des chiffres. On a pris de 1 à 10 dans le Kitab Awwal. On a pris de 100, 1000, ainsi de suite, au début du livre. Là, maintenant, on va prendre quoi? De 11 à 19. Min ahada achar, il est 17 achar. Il muzakkar, fakat. Vous voyez, il muzakkar, fakat. Donc, attention, la règle change. Vous voyez, on avait dit quoi? De, on fait un récapitulatif. Le 1, il va venir en at. Rajulun wahid. Le 2, on prend le musanna. On rajoute alifonun. Rajulani. Le 3 à 10, on a dit que le mardoud, il vient mukhalif al-adad, si ça muzakkar avec mouannas, ou l'axe, et qu'il est pluriel, et qu'il est mudaf. Ça s'appelle takol, al-azatu kutubin. Maintenant, de ahada achar jusqu'à même ishloun, c'est plus que tu fais achar à ishloun, le mardoud, voyez, le dénombré, il est tamiz. C'est-à-dire, il est nakira. Mufrad, mansoub, comme tu le vois là. Ahada ashara, taliban. Taliban là, ça tamise. Comme tu le vois, il est mufrad, c'est pas un jam, on n'a pas dit tout l'aim. Comme tu vois, il est nakira, il n'y a pas d'alif al-lam. Et comme tu vois, également, il est mansoub. Il n'est pas marfou, il n'est pas majrour. Tout le temps, il est mansoub. C'est un tamiz. Comme je l'ai dit dans le kitab Awel, tamiz, il y a plusieurs catégories. C'est pas seulement après Kam. Vous voyez, il y a plein de gens. Et ça, parmi les gens, c'est celui qui tombe après un dénombré, un nombre. Vous voyez, donc tu vas dire quoi? Adafi nazir qu'oli ta'ala, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la surat Yusuf, c'est quoi le Yusuf liabi yabadi ini raitu ahada ashara kawkaba. Oh, mon père, j'ai vu 11 planètes. Vous voyez, là qu'on dit. Donc le chéri c'est Ahada Ashar Kaukaba. Kaukab c'est une planète. Il n'a pas dit Kawakib. Kawakib c'est le pluriel. Kaukaba. Donc ça tombe comme Taliban ici. C'est un Mufrad. C'est un Akira.

Tassir. Ad-dersu al-tassir. Le neuvième cours. Ashir. Ad-dersu al-ashir. Le dixième cours. Et tout cela, tu peux le remplir pour plein de choses. Tu vois, par exemple, tu dis qui est le dixième homme à être entré. Tu veux dire man rajoul al-ashir al-azi dakhal. Par exemple. C'est juste pas. C'est pas que avec le das seulement. Là, c'est en guise d'exemple seulement. Tu vois ce que je veux dire. Donc le premier, c'est-à-dire comme ça, l'awel. Le deuxième, sani, ainsi de suite. Et ça, c'est Mouzaka. Mouana, c'est viendra après. C'est simple. Mouana, c'est juste que tu mets un thème important. À part l'awel. L'awel, il est différent. Ouais, Dara, je te dis maintenant. L'awelou, Mouana, c'est où l'oula. Vous voyez l'oula. Kafikul Ta'ala. C'est déjà comme Wardou ou la Houma. Si il vous vient le premier des deux rendez-vous ou des deux promesses. Ou la Houma, la première des deux. Takoul, elle t'enlève le Awel ou elle t'enlève tout, elle ou la. Voyez. Et les autres, tu veux juste par le bouton. Athania, Athalitha, Arabira, Al-Khamisa. Voyez, ainsi de suite. Voyez. Takoul, Anrit. الأسماء الآتية بعدد تربيعي المشتق من الأعداد المذكور أمام كل واحد منها. Donc il veut que tu mettes de en tant que nart, voyez, le chiffre qui est entre parenthèses. Tu l'écris comme ce qui était cité dans le tableau au-dessus. Tartibi. Tu dis tarbi. Tarbi, non. Tu dis comment? Tarbi. Tarbi, non. Ordonné, non. Taïeb. Tfaddal. Al-Yom, entre parenthèses, il a mis 8. Qu'est-ce que tu as cool? Al-Yom, Thamin. Non. Al-Sana, entre parenthèses, il a mis 4. Al-Sana, Al-Rabia. Al-Rabia. Al-Talib, entre parenthèses, il a mis 3. Al-Talibu. الثالث. Hein? الثالث. الثالث, نعم. الطالبة, entre parenthèses, il a mis 6. الطالبة, si. لا. السادسة. السادسة. الدرس, entre parenthèses, il a mis 10. الدرس العاشر. البيت, entre parenthèses, il a mis 7. البيت السابع. الصفحة, entre parenthèses, il a mis 9. الصفحة التاسعة. El Rulfa, entre parenthèses, 5. El Rulfa, El Khamisa. El Jouz, entre parenthèses, 1. El Jouz, l'Awel. Non. El Jouz, entre parenthèses, il a mis 2. El Jouz, El Thani. El Jouz, El Thani. Taïeb, on a ma forme. Taïeb, maintenant, il va quoi? T'apprendre à utiliser Bala. Quand est-ce qu'on utilise Bala? Bala, c'est un harf jawab, comme Naam, ou La, ou Ajal, ou ainsi de suite. Et Bala, ça veut dire si, ou en effet. Ça va être une question, d'une négation, dont la réponse sera une affirmation. Par exemple, tu diras, n'es-tu pas, par exemple, du Maroc? Est-ce que tu vas dire oui? Tu vas dire si? Ou tu vas dire en effet? Bala, c'est pareil. En arabe, tu veux dire bala. Tu ne veux pas dire naam. Tu peux dire là, pour dire non, mais si tu veux affirmer, tu vas dire bala. Tu ne vas pas dire, vous voyez, tu ne vas pas dire oui. Kafikul ta'ala, alestu bi rabbikum, qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent si. Vous voyez? Donc, comme je t'ai dit, ça vient comme réponse d'une question basé sur une négation, mais dont on veut une affirmation, en fait, à la base. Par exemple, tu dis Anta, Anta kamis romadi, tu as kamis gris. Elle est kazalika, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Bala. Bala, ala, ouais. Elle est ta bimtaza wujin? Bala. Bala, aïe. Fa'alan, il donne des questions et toi tu vas y répondre. Ana akul, anta min al-hindi, alaysa kadhalika? Vas-y, dis. Bala. C'est juste le tamsil de l'exercice. Donc il dit, ne tue pas, toi tu es de l'âme, n'est-ce pas? Donc il veut dire, bala. Anta moridun. Alessa kazalika, tu es malade. N'est-ce pas? Bala. Non. Si. Alors, le laïc est sahih, avec une famille sahih. Ah, chère Allah. Salut, Sahachar. Ayyuhuma. Yushiru, t'as cours Ayyu, on l'a pris au kitab Awel, c'est un ism stifham. Quel? Non. Et souvent, on a dit qu'il vient en tant que Moudof, et d'ailleurs, le Moudof, il est. Ou ça peut être un Damir, ou ça peut être un ism Vayyub. Ça, tu dis, Ayya kitabin karakta, quel livre as-tu lu? Ou je dis, Masalem, Darabta Rajulain, Ayyahuma Darabta, tu as tapé deux hommes, lequel des deux tu as tapé? Taïeb. Donc là, il dit, Ayyuhuma Yushiru al-Mudarrisu ila Talibain, Yakulu. Hazan Taliban Ayuma Atwal. Wala Kitabain Yakulu Hadha Kitaban Ayuma Ajmel Wakada. Bon, ça on peut pas la réaliser. Juste on va dire, Masalan. Taïb. Hazani Kalamani. Manzur. Ayuma. Akbar, là dans ce plus gros. Al-Azraq. Azraq? Akbar. Akbar fi taul, mais la. Là, Nastol. Nastol, on doit. Al-Aswad. Abiyad. Aksar Abiyad. Ou l'Abiyad Aswad. Tayeb. Hazani, Mekanani, Huna ou Khalf. Ayyuhuma Akbar? Mekanil Hunak. Non. طيب الآن نخوض الكلمات الجديدة. الأولا محجع كي بدير دورتوار. الجم مهاجع معمول من الصرف كم مساجد. فريق فريق سي سبيت ان جروب من اكيب. جم فرقاء طيب ويلي ممنوع من الصرف كم فقراء عالم معروف سافون الجم علماء لاعب سي كيكان كي جو سان جوار لاعب الجم سي لاعبون جم مذكر سالم تحت tout en bas. Aïe. Et même souvent du projet qui sont pas sérieux ou quoi, l'arabe, un petit connard. Kaukab, c'est une planète. Le jam, c'est Kawakib. Et il est maintenant le surf, pareil. Shakik, c'est. Quand on dit Akhul Shakik, c'est le frère de sang. Le jam, c'est Ashikkaou. Comme Atibbaou. Donc il est maintenant le surf. Shahir, on essaie de dire quoi, Shahir? Ça veut dire célèbre. Célèbre. Fi al-manam, fi harfajar, al-manam c'est un rêve. Ce que tu vois dans ton rêve, dans ton sommeil. Wasi'a, ça c'est déjà vu dans le kitab Awel, je crois. C'est large, non. Saman, c'est un prix, le prix. Saman kada et si'a kada, son prix, sa valeur. Shahrun, c'est un mois. Et son pluriel, c'est Shuhur ou Ashur. Là, il t'en a mis deux. Al-Azhar. La chance. Hein? La chance? Non, Azhar, c'est le fleur. Comment on dit la chance? Khit. Hiz. Ou Haz. Innaulazu Hazin Azim, en parlant de Karun. Nous le disons, Hazin Azim. Non, Haz. On dirait comme ça, Haz. Mafou, Ada ? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait pris ? On a pris Ism Tawdil. Voyez ? Qui est ce qu'on appelle, eux, ils appellent le pronom superlatif. On peut dire comparatif aussi. Tu coupes entre les choses. Par exemple, Tawil. Son Ism Tawdil, ça va être Atwal. Sarir, Asra. Kabir, Akbar. Sarir, Asra.